avec âme, tu es dans mon cœur, avec mon sang tu danses, tu fais la fête à mes sens, dans mes artères, des terres, de l'essence, aux vapeurs d'encens. Juste en quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, bombé par mon cœur, je n'arrive pas à t'oublier. Juste en quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, ton amour me fait peur. J'aimerais pouvoir t'oublier. Dans mes poches de fumée pour m'évader. Moi j'ai brassé la trotte, c'est la violence, la haine. Et puis l'amour, l'argent et mix. Sa mère, les agents, la crame. Vas-y, fume et oublie tes soucis. Grâce à la trotte, j'oublie tout et j'en deviens. C'est où est la trotte, j'ai pris. J'avais pas de soucis. C'est où est la trotte, m'a pris qu'elle m'avait kenny. Ouais, mec, vas-y, fume et oublie le code. Hey. Non, mec, tu vas devenir accro. Ouais, mec, vas-y, fume et oublie le code. Hey. Non, mec, tu vas devenir. Ouais mec, vas-y fume et oublie le code, aïe. Non mec, aïe, tu vas te faire accro. Ouais mec, vas-y fume et oublie le code, aïe. Juste en quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, bombé par mon cœur, je n'arrive pas à t'oublier. Juste en quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, ton amour. J'aimerais pouvoir t'oublier. Cam, c'est mon héroïne. Poussée hormonale, noyée, banale. J'ai le visage bleu comme des hémorroïdes. Comme un cadavre, un asbin. Combler un cœur vide. Cam a mis les menottes à ma liberté pour mieux pouvoir me violer. Note à hurler, mes notes ont brûlé. Ces notes, c'est hot, la frôle de cache m'a frôlé. Je n'ai même plus besoin de tracro. Ce n'est pas ma faute, Cam est riche et exigeante. Je dois économiser pour la restaurant, je déchante. Elle est trop belle, j'investis toutes mes économies pour lui offrir des présents. Elle attire tous les hommes, tous les losers, tous les trolls, tous les gnomes de mon milieu. Avec moi, elle a joué aux billes, elle a tiré au milieu, elle a gagné le billon. Toutes mes crapules de mon espèce, l'aime en public, le confesse. Elle est mon évasion, elle est ma prison. Je vois sur son visage des paysages de contrées idylliques. Loin de mes déboires, des filles, des manèves qui foirent, mais aussi loin que ma clique. Pour elle, j'ai perdu mes amis, elle est ma secte, elle est ma vie. Elle est devenue mon existence, je me rapproche d'elle et comme quelqu'un connu, je prends mes distances, font son charme. Quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, bombé par mon cœur, je n'arrive pas à t'oublier. Juste en quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, ton amour me fait peur. J'aimerais pouvoir t'oublier. Cam, je me calme. Marre de la politique, Cam, t'as beauté, viens moi dire poétique. N'oublie pas comme ma venue que l'œuvre artistique, Cam. Je te fais les morts dans la cave. Envoie la caméra au Cam, rencard dans ce qu'on fera nos calmes. Des gros seins dans ce que des chabots de champi, je suis méchant dur, mais pour toi je ferai le pitre. Cam, j'injecte ton sérum, ton amour dans mes veines, tes lèvres en rêve, plus rouge que du vin. Faire autant de sens, même, j'aurais de lever comme un crétin. Cam, il paraît, je suis crazy, c'est toi qui me rends comme ça. Faut dire qu'il s'est easy quand je te vois et ça craint. Cam, tu es la seule qui me tient la main, le crin. J'ai cassé avec le rein, c'est scap, qui t'aime, tu montes et crave, crève le pâté comme le gomon. Cam, je crève que tu sois prends la prostitution du haut de mon mont. Tu me rends un fun et Cam, je bise ma force. Pas ma proie sur la paroi du plafond, personne ne te force à me mettre en transe. Cam, mes rimes t'embrassent, en Turquie ou en France. Même si tu te tracasses, si tu casses ou si tu écrases, Cam, je pourrais mourir pour toi, même si je ne le voudrais pas. Je ne sais plus où j'en suis, je te vois trouble, rouble, houblon, tu me troubles. Ma celle-là c'est pour mon eczéma, je ne peux pas me passer de toi. Trop profond dans cette chasse, chacun d'amour tu fonds. Tu es liquide, solide, en vapeur, sans contour, ma tête me fait des tours. J'ai peur au fond de me retrouver au front, la sueur sur mon front, comme la rose dans ton jardin. T'es une salope et je te hais autant que je t'aime à la fin. Je t'aime comme un crétin, je suis accro, accroché pour toi, je sortirai mes crocs. C'est le crochet. Quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, bombé par mon cœur, je n'arrive pas à t'oublier. Juste en quête de bonheur, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer, ton amour me fait peur. J'aimerais pouvoir t'oublier. Ton amour me fend le cœur, cache mes peurs. Ma chère Cam, merci de ne pas avoir voulu de moi, sans quoi j'aurais peut-être arrêté d'écrire. Alors vous pouvez...